Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Champion des plaideurs. Vendredi dernier, le chief judge du district de Frederick, Maryland, a fait signifier 703 contraintes au docteur Harrison Wagner, qui passe pour le champion des plaideurs d'Amérique et probablement du monde entier. Le docteur était accusé de 703 mépris de justice pour avoir essayé de faire exécuter un nombre égal de jugements contre la compagnie d'express Adams, malgré la défense des cours de circuit d'appel. Jugé avant-hier, il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Au cours des débats, il a déclaré qu'indépendamment des 703 affaires dans lesquelles il était inculpé de mépris de justice, il a en ce moment 8000 autres procès pendants contre la même compagnie Adams. Le chief judge Ritchie a dit, en rendant sa décision, que la cause révèle un système de fraude conçu avec une finesse extraordinaire et poursuivi avec une habileté et une énergie incomparables. L'avarice et la cupidité sont le seul mobile du prévenu. La cour, révoltée par son iniquité et considérant les ennuis et les dépenses par lui causées aux nombreuses personnes contre lesquelles il intente des actions ne reposant sur rien, ne croit pas devoir user de clémence, mais elle attendra pour prononcer la sentence qu'il ait été statué sur beaucoup d'autres cas pendants contre l'accusé. Depuis quelques années, le docteur Harrison Wagner a obtenu des milliers de jugements, la plupart par défaut, contre une multitude de personnes. Ces jugements, représentant des centaines de mille dollars, sont tous basés sur des griefs de pure invention. La compagnie d'Express Adams, entre autres, a été obligé de dépenser plusieurs milliers de dollars pour empêcher l'exécution des jugements que le champion des plaideurs s'est passé la fantaisie de faire rendre contre elle, sans ombre d'un motif valable. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.